Malédiction sur cette maison, qu'elle brûle, qu'elle s'écroule, je n'y retournerai jamais. J'espère que vous ne dites pas cela sérieusement, père. Tout à fait sérieusement, Kolia. J'espère que le ciel m'entendra. C'est bon, ne vous fâchez pas. Où allons-nous à présent? Pouvez-vous me le dire? Nous dirigeons vers l'avenir, puisque nous avons fermement abandonné le passé. Évidemment, mais encore, vous ne désirez pas voir le prince? Vous vous êtes querellé avec votre ami Lebedev, et vous n'avez pas d'argent. Alors? Alors, rien, Kolia. Je ne suis plus que le jouet des événements déchaînés qui m'entraînent vers le néant. Voilà. Et je m'écris, où est ma force? Où est ma jeunesse? Comme s'est écrié... Au fait, qui s'est écrié ainsi, Kolia? C'est un héros des âmes mortes de notre grand Gogol, papa. Oui, c'est dans les âmes mortes, tu as raison. Le jour où tu m'enterreras, tu feras graver sur ma pierre tombale si j'y une âme morte. Et cependant, j'ai servi mon pays avec honneur et amour. Or, c'est le déshonneur, la haine, le mépris que je récolte à la fin de mes jours. N'exagérons rien, papa. Personne ne vous hait ni ne vous méprise. Quant au déshonneur, je ne vois pas. Et tais-toi! Le déshonneur me poursuit. Autrement, comment mon propre fils, ce maudit Gagnat, se serait-il permis de me bafouer de la sorte? En réalité, Gagnat n'a rien dit d'offensant. Ah, tu crois, punaise? N'a-t-il pas affirmé que Yerotcha Yeropegov n'avait jamais existé? Yerotcha Yeropegov, qui a été mon ami, mon frère, pendant des années. Selon Gagnat, ce fils dénaturé, je ne suis qu'un vil menteur. Et tu oses me dire qu'il ne m'a pas outragé? Que te faut-il de plus? Qu'il ne vienne jamais sur ma tombe, ni lui, ni ta sœur Varvara, ni le mari de ta sœur, ce petit usurier Ptitsin. Je ne veux pas d'eux, tu m'entends? C'est bien, je les empêcherai de venir, papa. Mais calmez-vous, je vous en prie. Je suis calme. Je suis calme, mon garçon. Et pourquoi me regardes-tu avec ces yeux inquiets? Il te plaît cet air, Kolia? Oui, papa. Eh bien, apprends-le. Tu me le chanteras quand tu viendras me rendre visite au cimetière, toi et ta mère. J'appelais jadis ta mère Ninotchka. Il y a longtemps de cela, elle m'aimait. Ninotchka, qu'ai-je fait de sa vie? Peut-être m'aime-t-elle encore. Ta mère, Kolia, a un cœur noble. Et une patience à toute épreuve. Je le sais, papa, c'est une sainte. Lorsque nous avons abandonné la maison, elle a couru derrière nous, et elle a pleuré. Elle a pleuré, tu as raison, Kolia. Ses sanglots me déchirent le cœur. Faut-il donc que nous renoncions à l'avenir et que nous réintégrions le passé, afin que ta mère cesse de souffrir? Eh bien, rebroussons chemin et regagnons cette maison que j'ai maudite il y a une heure à peine. Ah oui, c'est ça. Rentrons, papa. Rentrons tout de suite. Allons sécher les larmes de maman. Mais où allez-vous? C'est par ici. Pourquoi vous asseyez-vous sur le perron de cette maison? Mais cette maison n'est pas la nôtre, voyons. Mais qu'avez-vous, père? Vous ne vous sentez pas bien? Penche-toi, Kolia. Approche ton oreille. Je vais te dire un terrible secret qui me pèse. Vous êtes bizarre, papa. Vous n'êtes sûrement pas bien. Au lieu d'écouter votre secret, je vais aller chercher un médecin. Non, reste. Et débarrasse-moi d'abord du secret. C'est bien, je reste. Mais dites-moi vite votre secret. Le roi de Rome. Kolia saisit par les épaules son père et le regarda l'air éperdu. Le vieil homme était devenu tout rouge. Par contre, ses lèvres avaient bleui. Quelques tics agitaient sa face cramoisie. Puis ses traits s'immobilisèrent et le général s'effondra complètement sur les marches du perron. Écartez-vous un peu, je suis docteur. Je veux voir ce qu'a votre père. Appuyez-le là, doucement. Doucement, doucement. Enlevez-lui sa jaquette maintenant. Là. Ouais, cessez de pleurer, votre père n'est pas mort. Il respire. Allons. C'est sans doute une congestion. Nous allons le ramener chez vous et le soigner. Ah, voilà un fiacre qui passe. Quelle chance, faites-lui signe. Faites-lui signe. Cocher, cocher. Là. Et maintenant, jeune homme, Au lieu de verser des larmes, donnez-moi un coup de main pour porter votre père dans le fiacre. Bah, doucement, doucement. Mais qu'est-ce qu'il a? D'abord, pas bien? Oui, aidez-nous, aidez-nous. Il est lourd. Hé, mes mignons, hé. Et pendant que le fiacre emportait le général Ivolgin complètement prostré, l'autre général de notre récit, le général Yepanchin, bien en vie, lui, arpentait fébrilement le plancher de son cabinet de travail. De temps à autre, il s'arrêtait, jetait un coup d'œil sur sa femme, Elisabeth Prokofievna, et reprenait sa marche. Alors ? Alors, ce serait bien étrange si seulement c'était vrai, mais voilà. Mais poursuivez, Ivan. Ce que vous dites est si clair que... Me reprochez-vous quelque chose, Elisabeth Prokofievna? Est-ce ma faute si c'est un broglio dépasse votre entendement? Ce n'est pas votre faute, j'en conviens. Et maintenant, poursuivez, je vous prie. Eh bien, s'il faut envisager les choses telles qu'elles sont, je dirais que le prince Mishkin est un brave garçon. D'autre part, son nom est un peu le vôtre, puisque vous êtes né Mishkin. Il y a des Mishkin et des Mishkin, mon cher ami. Ne m'appelez pas votre cher ami, je déteste cela. Quant à la différence qui peut exister entre les Mishkin et les Mishkin, je suis dans l'impossibilité de me prononcer, n'ayant pas sous les yeux l'arbre généalogique de vos familles réciproques. Vous aurez le mien d'ici quelques jours. Je le ferai venir de Tomsk. En attendant, poursuivez. Bon, et ben, par ailleurs, le prince Mishkin, grâce à l'héritage que lui a laissé M. Palitchev, n'est pas dépourvu d'une certaine fortune, n'est-ce pas? Oui. Bon, il a aussi des mérites d'esprit, de cœur. Un moment, général, je vous en prie. Ne m'appelez pas général, je déteste ça. Je vous appellerai comme il me plaira. Ne me faites pas perdre patience. C'est une phrase de trop, général. Je vous la revaudrai. Alors, pour le moment, ayez la bonté de me dire laquelle de nos trois filles vous destinez au prince Mishkin. Eh bien, en principe, je ne destine aucune de nos trois filles au prince Mishkin. Mais, le cas échéant, je désignerai volontiers Aglaé, vu que... Aglaé? Mais vous êtes fou! Vous envisagez de marier Aglaé à ce prince qui n'est pas prince, mais en revanche un parfait idiot? En outre, il n'a aucune situation. Je pourrais lui en trouver une. Il a une très belle écriture. Oui, la situation n'est pas tout. À qui pour nous le montrer? Certainement pas à la princesse Bielokonski. Et le monde étant ce qu'il est, c'est-à-dire le monde, personne n'ouvrira ses portes au prince Mishkin, même s'il devenait le mari d'Aglaé sans les encouragements de la princesse Bielokonski. Tu as raison, Elisabeth Prokofievna, il faut absolument que la vieille princesse Bielokonski patronne, si j'ose dire, ce mariage extravagant. Bon, admettons. Admettons que nous obtenions le patronage de la princesse Bielokonski. En quoi cela nous avancerait-il? Ah, évidemment. Oh. Oh, c'est ainsi que nous imaginions le mariage d'Aglaé. Oh. Je n'aurais jamais prévu cela. Quel malheur, quel malheur. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Jean-Pierre Lorrain, Kolia, Roger Monteau, le général Ivolgin, André Canter, le docteur Baranov, Xavier Liomon, le cocher, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin, et Gabi Morlaix, la générale Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.